Même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots, de la Côte d'Azur à Saint-Malo. Je peux plus rester.